Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, est de vous habiller tout en cuir, d'enfiler un porte-jartel, de lui passer les menottes et de le fouetter pour qu'il nous livre son secret. Bien entendu, si vous-même ou l'un de vos collaborateurs était tué ou capturé, le département d'État n'irait avoir eu connaissance de vos agissements. Bonne chance. Et puis bonne... Allez, si je veux dire... Des postes occupés par des acharnés. On vous allez calmer vos têtes, moi leur expliquer. Ça qu'on appelle Rage. Du mécanisme de la justice, t'as pas le propos, la bonne propos, la bonne propos, la bonne police a une vision plus que nocive d'une jeunesse qui la va agir comme une mémé. C'est l'opération grosse tambouille. Un micro, une bite de boule. C'est Walou qui déboule avec un invité surprise et sa bouille. C'est ta face qu'on barbouille, c'est notre son qui dépouille. Barbares modernes qui utilisent leur voix comme des douilles. Shooter le modem et tous les autres clowns qui rouillent. Et rouille, si ton cerveau gargouille, c'est que notre son est prêt pour la chouille. Un chouïa anard, on garde notre honneur même quand on mange des nouilles. On rappe comme on gratte à la jaille. On fait sans trouille, juste du travail. On gratouille et on dédicace les opprimés de Kaboul. D'un impuissant frustré qui cultive la morosité et sa propre nervosité. N'ayant plus peur d'oser, l'important c'est d'oser, l'important c'est la doser. Je cultive ma maladie, c'est mon osmosé, ma liberté, la métamorphose, méta hors de métaphore en phrase. La conséquence est quand je te cause, tu ne vois en moi que des séquelles, séquelles de démence, car tu sais quelle est ma providence qui t'oblige à partir en transvase. C'est inconcevable, mais c'est le constat. À l'intérieur de tout autour de nous, le regret et tout fait de nous, les gars, c'est fou constat. Les regrets sont les fantômes de la mémoire, ils troublent la conscience et alimentent tous nos cauchemars. Parce que j'y tiens, j'entretiens et cultive ma fainéantise comme un tison, comme un curé s'attise, ça m'attire, m'attise comme le vide quand je suis vide. Un virage sans limite dans une nage à compte courant du courant, un courant d'air courage que je partage entre amis, mon carrage et les nerfs. Parfait, travailler, trimer, tant de mots hantés qui finissent par me hanter. Ma hantise est de devoir me lever tous les matins de l'année, devoir décoller, les yeux encore collés, les complexes à peine digérés. Je préfère venir PDG de mon sommier, pouvoir diriger mon oreiller, avoir comme bras droit, tout texte et pédale, les cortex de mon matelas. Mais la logique fait que c'est reparti pour un tour, deux semaines par-ci, deux semaines par-là. Feignant mais pas gnangnang, mon faciès c'est tel quel comme un tel. Ma mission sans forfait est formelle, fidèle et franc, friand de la fatigue. Les fouilles, le beat ne fait pas de détails, contrôlé par la base qui tabasse les audaces. Les idées préconçues, des morceaux bien conçus, du travail abattu par des gens peu connus. Pierre de porter le drapeau sans couleur, épuiser la musique par-dessous fer qui fait des sommeurs quand on joue dans les bars. Avec deux trois MC bien bavards, placés par leur flow, maîtrisant malgré tout leurs propos. À travers leurs compos, ici les quelques mots, une phrase à l'envers. Les thèmes qui s'enchaînent, à peine briser les chaînes de l'ordre moral. Y'en a qui trouvent ça louche, mais moi je trouve ça normal. Médissons, fournissons, fournissons, renourrissons une nation sans con ni concession, sans tabou ni frustration. Et les esprits restent petits comme des poissons fanés, des âmes battées, abattus à coups de balles ou de tatane. Des hommes suprêmes pour des titans dans les trams, des trônes, des trolls, règnent sur le trône dans les halls, drames, holsters, chez Auxerre, de Wall Street au ministère, trop de ministères, Toulouse au Finistère. Sur un champ de mine, j'ai pas fini de me taire, j'ouvrirai ma gueule jusqu'à ce qu'on m'enterre. Ce sont de secours comme un tremblement de terre. Face à face, veste contre veste, ton reste en groupé. Ne retourne pas ta veste, ni ton veston. Ton vestige te donne des vertiges. Tape-le, dis celui que t'applaudis en scratty. En skate ou en basket, on scrute pas à pas, c'est pas du pipo. Ça me coche comme une pipe par haut. Mais qui n'est pas réglo, celui qui délègue est mégalo. Trop de galons, loin d'être égo et rigolo. C'est déréglé, alors je dégueule dans la rigole. Je te lègue ma glotte, ma gueule en première ligne. Je dégoutine comme de la glu qui dégouline. Ma ligue a le dégoût de ceux qui culminent. En calaminant les ondes, les grandes bouches, même si les plus louches. Entraîner la mauvaise conduite, ont pété une durite dans les strass du showbiz, moins de stress et plus de traces de tasse en transe sur S Express, ça pousse aux vacances. Échange verbal virulent qui vient du ventre, c'est viscéral, je visite, visite, visite, volontiers sans panique, vite. Je parle et parle parlementaire, qui dès lors, on s'éclaire même de terre. Des discours intermédiaires, parlementeurs, les bruits courts, les gens s'enterrent. C'est cynique dans les gènes transgéniques, ça imite la nature, faut que je m'implique, ça mérite. Attaque de kick, coup de mic, tactique atomique. La parole est à tout le monde, le monopole des paraboles plane sur la capitale. C'est sous la coupole, la capitale, comment tu capitules. Capito, capitaine, c'est calculé, alors j'ai capitule. Ah, c'est monté comme les demi-mondes, qui ne seront jamais des hommes dans ce monde qui gronde. Le temps a tout gommé sauf les bonnes ondes. atterrit dans les ventes au rayon porcherie. Qu'est-ce que dit son trop rush dans les supermarchés, ça perche. La qualité des artistes proposés, tout le monde saturé à la sensation d'être baisé. Manipulé quand on fait croire que rappeur est un métier. J'y est, D-O-G-S-T-H-O-R-P-E. Père avec du H, même s'il en reste peu. Trop de balles tringues en ballerine, veulent tringuer le ring. Trinquer avec le king, à place de micro chour qu'ils utilisent comme un mouchoir. Trop de mouchards, de mouches à merde, allume la mèche pour le charnier vocal. Je me cale avec un flow structuré, où que tu es, pas de XXL s'il y a pas de ceinture tillée. Pendant que l'armateur a pas de pour clôturer, tous les clowns qui colportaient la haine, pensant que saturé sur un son saturé. Alibi de pauvreté pour dépouiller tous ceux que tu considères comme des poules mouillées. Complète ta libido, mais va voir en Libye ou au Liban si ça pisse dans des bidons pour le passe-temps. C'est qu'il y a des collabos qui optent pour le piston. La guerre du temps déteint, mais personne ne se détend. Car au fond, des mecs comme toi et moi, et ben y'en a des tas. Wesh Coast. Bah voilà, en fait, bah c'est un peu à la grosse tambouille quoi. On arrive là, on a plein de produits à préparer, plein de bonnes épices, plein de barbac. Mais voilà, il faut qu'on mette la main à la pâte. Faut du feu. Voilà, il faut du feu. Il est chaud le bonhomme, il est chaud là, je le sens. Il est chaud, il est chaud. Tu connais le petit vénère dans la grande vadrouille. Yeah. Bah moi c'est le grand joker sur la grosse tambouille. Il faut des grosses bouffes, il faut des grosses gamelles. Yeah. Et bah j'aime pas les schtroumpfs à l'instar de Gargamel. Yeah. Yeah. C'est reparti, c'est Walou, la Muerte et Monique. On vient présenter pour éphémère, ce soir ça tue, ça nique. Dans mon microcosme mental, c'est ma boîte crânienne qui fait mon thème astral. Walou, Walou. Alors pareil, freestyle, ça sera un morceau qui sera sur l'opus aussi, la rhétorique du complot. C'est bon, voilà. C'est bon, tout le monde a la lunette branchée. Je suis pas une boîte de vitesse, jamais je rétrograde. Jamais tu me verras en laisse ou courir après les grades. J'avance avec ou sans toi, je suis pas de test. Mais sur le microphone, les rends tous à faune. Car moi et ma faune, c'est à fond pour la forme. Le fond et ta forme, que notre son vient du fond. Rien pour la frime, rien pour leur firme. Tu veux que je la ferme, ça je la firme. Y'a de plus en plus de perchés qu'il va falloir repêcher. Personne n'entend la perche, ils sont si vite récupérés. Dans des hospices psychiatriques où tous ont la trique. Dans des odeurs de pisse, ça tousse, ça craque. Cowboy, t'es devenu cobaye d'une grande expérimentation mentale. Yeah yeah, mental. Bande de psychopathes qu'on la trique, quand le bite des patates dans l'hôpital. Psychiatrique, ce leçon nous matraque. Abus de psychotrope. Yeah yeah, c'est la marque de nos troupes pour embellir notre trip. Et mettre le tien à la trappe. Et tu ne peux me rattraper quand je me mets à rapper. Ma thérapie m'a évité bien souvent de déraper. Ça me sert à évacuer toutes mes toxines. Ça a l'air de rien, mais c'est la base de ma médecine. Ça vaut de l'or, c'est comme monter sur scène. Évacuer sa douleur, même si le propos est obscène. Avec mauvaise allure, j'arrive toujours à l'heure. C'est pour foutre le bord et évacuer tout. Mes malheurs, mon propos je modère et seul le beat m'adore. En rap je lâche rien, un vrai chien on m'appelle Médor. C'est le micro que je mords pour honorer mes morts, conserver leur mémoire sans avoir de remords. Longomachie cérébrale, gavage de médicaments, avis et la tauromachie. Pas de perte de temps de gâchis pour ton cas. On t'expédie la dose conventionnelle au manuel. La camisole répond à la normalité. On isole et on te ment sur les conditions de l'isolement qui nous colle. Tous à la peau de colle, pas facile de décoder, de décoller. Des néocodions, les neurones dans les néons. Welcome on board, ladies and gentlemen. I wanna talk to you about something real special. It's just about the fact that we can't expect about many things. What can you think about someone who has a cock and walking on the streets and see all those chicks down wearing very close skirts? When you feel very viral male, you just want to flow down. Oudou Bilaï, Mena Cheitan et Rajim. Bismillahirrahmanirrahim.